Deuxième chapitre. La petite Camargue. Mais avant d'entrer en campagne, avant de mettre à exécution tous ces beaux projets, j'aurais besoin de me recueillir quelques jours. Si j'allais demander l'hospitalité à Patron Ruff, il vit sans doute encore. Nous sommes liés depuis 4 ans, et voici comment je fis sa connaissance. Je voyageais suivant la côte de Marseille à Nice, quand un soir, pas bien loin d'ici, aux environs de l'Estérel, mon attention fut attirée par une demeure rustique dont la singularité m'intéressa. C'était, au pied d'un rocher à pic, une de ces cabanes basses, spéciales, au delta du Rhône, faite de terre battue et de roseaux, et d'une physionomie si caractéristique, avec leur toit blanc, de chaux, relevé en corne. Le rocher, évidemment, plongeait autrefois dans la mer. Mais l'amoncellement de sable rejeté là par les courants, l'alluvion d'une petite rivière dont l'embouchure paresseuse s'étale en dormante lagune, avait peu à peu fait de la baie primitive une étendue de limon saumâtre coupée çà et là de flaques d'eau où poussent des herbes marines, quelques joncs et des tamaris. Trouver ainsi en pleine Provence levantine, une minuscule Camargue et sa cabane de gardien avaient déjà de quoi me surprendre. Mais mon étonnement fut au comble quand j'aperçus, raccommodant, défiler devant la porte, une femme vêtue du costume camarguais. À mon approche, l'homme sortit. Je le saluai d'un « Bien le bonjour !» provençal. Au bout de 10 minutes, nous nous trouvions les meilleurs amis du monde. Ruff Gantôme, et plus usuellement Patron Ruff, compromis en 1851 pour avoir, avec son bateau, facilité la fuite de quelques soldats de la Résistance, s'en était tiré à bon compte, évitant Cayenne et Lambessa par un internement aux environs d'Arles. Plus heureux que d'autres, en sa qualité de pêcheur, il put gagner sa vie sur le Rhône, se maria et revint au pays après l'amnistie, ramenant une belle fille noire, Tardif des Tardifs de Fourques, et qu'il continuait à appeler Tardive. Ruff et Tardive avaient un fils, qu'ils voulurent me présenter. On appela « Gantôme, Gantôme !» Je m'attendais à quelques solides gaillards déjà tannés par le soleil et la mer. Je vis sortir d'une touffe de tamaris un tar venu de 10 ans. Les cheveux ébouriffés, l'air sauvage, tenant par les pattes une grenouille énorme qu'il venait de capturer. C'était Monsieur l'aîné, porteur du nom. C'était Gantôme. Je parvins à apprivoiser Gantôme et vécus chez ces braves gens toute une semaine. J'avais promis de leur donner de mes nouvelles. Je ne l'ai point fait. Me reconnaîtront-ils après 4 ans? Ils m'ont reconnu et j'ai trouvé toutes choses en état. Une cabane toujours neuve, car Ruff, à chaque automne, en renouvelle la toiture en roseau. Et Tardive, tous les samedis, Gantôme, tenant le seau où flotte la chaux délayée, rebadigeonne crête et mur, suivant la coutume du pays d'Arles. Comme changement, quelques rides sur la face incrustée de celle du patron, et quelques fils d'argent dans les bandeaux grecs de Tardive. Gantôme, poussé vite, est devenu un vaillant garçonnet aux cheveux frisottants de petits blonds qui brunira. Gantôme ne pêche plus aux grenouilles. Quand il ne va pas à la mer, il monte Arlatan, un étalon camarguais, blanc comme la craie, vif comme la poudre, que son père, avec le harnachement en crin tressé, les étriers pleins, la haute selle, a ramené de Fourques, où il était allé recueillir un héritage. Mon installation fut bientôt prête. Gantôme, qui couchera à côté de ses parents, m'a cédé sa chambre, il me semble qu'elle m'attendait. En l'honneur de mon arrivée, on a dîné d'une bouillabaisse pêchée par patron Ruff lui-même et servie, suivant l'usage, sur une écorce de liège oblongue creusée légèrement et pareille à un bouclier barbare. Nous avions chacun pour assiette une moitié de nacre, moules gigantesques aux reflets d'argent et d'acajou que les barques, à grand effort d'un câble noué en nœud coulant, arrachent dans les récifs du golfe. À part ce détail tout local des assiettes et du plat, j'aurais pu, avec cet horizon d'eau miroitante de tamaris en dentelle sur l'or du couchant et le clairin d'arlatan qui tintait, me croire dans quelque coin au bord du Vacarès, entre la tour Saint-Louis et les Saintes. Derrière les dunes, la vague chantait. Jusqu'à minuit, tardive, belle d'humble orgueil et de noblesse, me fit l'éloge de son bonheur. Gantôme sommeillait. Patron Ruff fumait sans rien dire. Et j'admirais cet insouciant poète qui, pour que sa femme se sentît heureuse et l'aima, sur un peu de terre amoncelée par la mer et l'eau d'un ruisseau, lui avait fait une patrie.